Comme chaque lundi, nous parlons de l'humain, du vivant et aujourd'hui du cholestérol. Le cholestérol fait l'objet d'un débat virulent depuis des années. Un débat relancé par la diffusion sur Arte, d'abord le 18 octobre 2016, puis le 28 novembre 2017, d'un documentaire intitulé « Cholestérol, le grand bluff ». La réalisatrice Anne Georget raconte l'histoire de ce qu'elle présente comme un vaste mensonge. Le cholestérol considéré comme un danger pour la santé parce qu'il favorise les maladies cardiovasculaires, comme les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Pour les experts interrogés dans le film, il s'agit d'un complot ourdi par les industries agroalimentaires et pharmaceutiques pour vendre massivement leurs produits au détriment de la santé publique. Le cholestérol est-il une maladie? Les médicaments qui font baisser son taux dans le sang sont-ils efficaces pour protéger les patients contre les maladies cardiovasculaires? Les effets indésirables sont-ils dangereux pour la santé? Faut-il dénoncer un complot, un bluff ou un scandale sanitaire? Se passer des médicaments anti-cholestérol augmente-t-il le risque que d'être victime d'un accident cardiovasculaire? Cholestérol, maladie ou scandale, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors, pour tenter de mieux comprendre ce qu'est le cholestérol à la veille des fêtes de fin d'année qui favorisent les agapes, nous avons le plaisir de recevoir en direct Michel de Lorgeril. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, épidémiologiste et chercheur au CNRS et vous avez publié en 2015 le livre intitulé « L'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol, comment les statines empoisonnent en silence » chez Menprop. Sylvain Duval, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes biologiste, expert en nutrition et écrivain et vous avez publié en 2016 avec Michel Lebarzik aux éditions du Cherche Midi l'ouvrage intitulé « Le guide des régimes ». Anne Georget, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films documentaires et vous avez donc signé la réalisation de « Cholestérol, le grand bluff » qui a été diffusé sur Arte le 28 novembre 2017 et qui est disponible jusqu'au 28 décembre 2017 mais également diffusé en DVD. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter @@laméthode. Pardon, je recommence. @laméthodefc. Anne Georget, comment avez-vous été amenée à réaliser ce documentaire sur le cholestérol? En fait, ce projet de film est un rebond d'un film précédent que j'avais fait également pour Arte, qui s'appelait Maladie à vendre, dans laquelle je racontais comment l'industrie pharmaceutique recycle des molécules ou invente des maladies, pour faire vite, ce qu'on appelle en anglais « disease mongering ». Et l'une des manières de faire ça, d'augmenter sa part de marché, c'est de jouer avec la norme. Et l'un des exemples que je prenais dans le film, c'était l'exemple du cholestérol et comment, au fil des années, un panel d'experts qui étaient en très grande partie liés à l'industrie pharmaceutique n'avait eu de cesse que de baisser le taux normal de cholestérol et donc avait, sur une des révisions, triplé du jour au lendemain le nombre de gens qui devaient prendre des statines. Et quelques années après, 2 ans après, Arte m'a demandé si je n'avais pas envie de faire quelque chose sur le cholestérol. Et il se trouve qu'à la suite de ce film, j'avais en effet eu envie de faire quelque chose sur ce point précisément. Donc on est parti comme ça. Comme ça, et vous avez donc retracé toute l'histoire depuis les années 50, en fait, de tout ce qui s'est passé à la fois dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie pharmaceutique. Moi, mon point d'intérêt, c'était vraiment le cholestérol. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir comment s'était construite la connaissance pour arriver à ce qu'une majorité de gens semble croire depuis pas mal d'années, qui est que le cholestérol, c'est mauvais. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'était sur quelle base scientifique c'était fondé? Donc repartir dans les années 50, voir un peu toutes les hypothèses qui étaient sur la table, et pourquoi celle-ci, qui au départ n'était pas plus bête qu'une autre, avait prévalu? Quelles étaient les forces qui avaient fait en sorte qu'elle avait gagné sur toutes les autres? C'est toujours intéressant de voir et d'imaginer que la science, elle n'est pas abstraite, elle est intégrée dans la société, elle est intégrée dans le monde des sciences et elle est faite d'un certain nombre de forces qui s'affrontent et qui ne sont pas toujours strictement scientifiques. Alors, pour bien comprendre le débat, il faut revenir à ce mot cholestérol qui est rentré dans le langage courant, puisqu'il est très courant d'entendre parler les gens en disant « Est-ce que tu as du cholestérol ?» ou « Est-ce que j'ai du cholestérol ?» ou « J'ai trop de cholestérol ?» Enfin, des expressions qui laissent entendre que le cholestérol est une sorte de poison pour l'organisme. Or, il n'en est rien, Michel Delorgeril. Juste pour remettre les choses... C'est un sujet très, très compliqué. Et nous sommes là pour essayer de le rendre compréhensible. Et oui, bien sûr. Mais à trop simplifier, les choses deviennent difficilement compréhensibles. Et si on ne simplifie pas assez, elles restent trop complexes. Donc même si une émission d'une heure, c'est formidable pour nous d'avoir l'opportunité d'en parler, vos auditeurs vont être troublés forcément, hein, parce que c'est trop court et ça sera trop simple pour les uns et trop compliqué pour les autres. Alors pour revenir à votre question, ça commence bien, si je puis dire, parce que il y a une confusion absolument extraordinaire autour du mot cholestérol, puisque pour certains, c'est une molécule simple, 27 carbones, une molécule qui est plane, qui est rigide et qui est intégrée dans les membranes cellulaires. Mais pour la plupart des gens, quand vous dites le mot cholestérol, en fait, ils pensent lipoprotéines. Alors, il n'y a pas un bon et un mauvais cholestérol, mais il y a des lipoprotéines qui transportent le cholestérol. Ce sont des énormes macromolécules qui transportent toutes les matières liposolubles. Le sang, c'est aqueux, si je puis dire, donc... l'organisme a inventé pour transporter les matières grasses, les lipoprotéines. Et ce sont ces lipoprotéines-là, il y en a différentes sortes, on ne va pas rentrer dans les détails, qui ont été étiquetées bonnes ou mauvaises, méchantes ou gentilles, etc., par certains biologistes un petit peu naïfs, on va dire, et que les gens ont traduit par la formule « bon et mauvais cholestérol ». C'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc ce sont les transporteurs qui... à la rigueur, pourrait être considéré comme ayant une signification physiologique pour un scientifique ou une autre signification physiologique. Alors, à quoi sert le cholestérol? Alors, en fait, le cholestérol, molécule, et non pas la macromolécule, la lipoprotéine. Hein. C'est pas qu'il sert, c'est que c'est une molécule indispensable à la vie cellulaire. Et d'ailleurs, il y a des maladies génétiques où on n'est pas capable de fabriquer du cholestérol, et si on n'est vraiment pas capable, eh ben, on n'est pas viable. C'est des avortements. Et alors, il y a différents degrés de déficit en synthèse endogène du cholestérol. Bon, si vous voulez, on peut en parler. Juste deux mots sur le rôle qu'il joue dans les cellules en particulier. Le rôle du cholestérol, vous savez, c'est un peu finaliste comme question. Hein. Alors, il est indispensable dans les membranes cellulaires et notamment dans ce qu'on appelle les lipid rafts, les radeaux lipidiques, ou qui sert de point d'ancrage pour toutes sortes de structures intracellulaires. Donc si vous perturbez le métabolisme endogène du cholestérol, hein, pas les lipoprotéines, là je suis en train de parler du métabolisme cellulaire, alors vous perturbez les membranes. Et comme les cellules sont pleines de membranes, si je puis dire, il n'y a que des membranes dans les cellules, alors obligatoirement, si vous perturbez le métabolisme endogène du cholestérol, vous avez des problèmes. Mais le cholestérol, c'est pas simplement une molécule structurante des membranes, c'est aussi le substrat de plusieurs systèmes physiologiques et qui sont absolument indispensables à la survie de l'espèce. Alors, un, c'est le métabolisme du sodium, puisque l'aldostérone, qui est l'hormone de régulation du sodium, c'est comme ça qu'on est passé des poissons aux êtres terrestres, hein, c'est en sachant métaboliser le sodium. L'aldostérone est fabriqué à partir du cholestérol. L'hormone de stress typique, le cortisol, est aussi fabriqué à partir du cholestérol. Vous voyez, si vous n'avez pas d'hormone de stress, vous êtes foutu. L'espèce est foutue. Que vous soyez une proie ou que vous soyez un prédateur, si vous n'êtes pas capable de vous enfuir ou vous n'êtes pas capable d'attraper votre proie, l'espèce ne survit pas. Mais il ne suffit pas de manger l'antilope si vous êtes le guépard. Il faut aussi métaboliser les graisses que vous avez absorbées. Et pour métaboliser les graisses que vous avez absorbées, il faut que dans votre tube digestif, il y ait des acides biliaires. Et bien, les acides biliaires, vous les fabriquez à partir du cholestérol. Donc, vous voyez, si vous perturbez ces voies. Mais il y a pire, parce que le cholestérol est aussi le substrat des hormones de la reproduction, des hormones sexuelles. Vous n'aurez pas de testostérone, vous n'aurez pas d'hormones féminines si vous n'avez pas de cholestérol. Et donc là, c'est la reproduction de l'espèce qui est en question. Mais il y a pire. il y a pire. Le cholestérol est absolument indispensable au système nerveux. La plus forte concentration de cholestérol qui est dans notre organisme, c'est dans le cerveau. Et pour une raison très simple, c'est que le cholestérol est la molécule essentielle de la myéline. Et la myéline, c'est l'espèce de gaine qui permet aux axones de fonctionner. Et si vous avez des problèmes de myélinisation, des problèmes de cholestérol, ça va donner des problèmes de myélinisation. Et bien, ce sont des maladies bien connues, comme la sclérose en plaques, etc. Oui. Sylvain Duval, peut-être un mot là, oui, sur ce cholestérol que l'on découvre. Très très bonne exposition qu'a fait le docteur de l'Orgeril. Je voulais dire en fait qu'il y avait quatre fonctions essentielles. Donc une fonction de transport où on va retrouver le cholestérol dans les lipoprotéines, une fonction de structure et de reconnaissance cellulaire, il l'a dit, et puis un précurseur à différentes hormones. Comme il a dit, ça fait les quatre fonctions majeures. Alors la critique qu'on l'en fait est souvent liée à la consommation de graisse. Est-ce que vous la reconnaissez? Vous reconnaissez la liaison qu'il peut y avoir entre la consommation de graisse et le taux de cholestérol, par exemple, dans le sang? Alors ces lipoprotéines, elles vont transporter des matières grasses qui vont venir de l'intestin. Comme a dit le docteur, on va pas toutes les détaillées, mais il y en a une qu'on appelle les kilomicrons qui viennent de l'intestin, qui vont vers le foie, qui vont transporter beaucoup de graisse. Puis après, pour les citer, les deux autres qu'on voit souvent dans les analyses biologiques, c'est le LDL et le HDL, qui vont partir du foie vers les organes, puis des organes vers le foie pour simplifier. Le LDL part du foie et le HDL revient vers le foie. Donc c'est un cycle en réalité. C'est un cycle, il y a beaucoup de cycles sur cette molécule parce qu'elle n'est pas détruite par l'organisme, elle est toujours réutilisée tellement elle est précieuse, comme l'a dit le docteur. Et en fait, si vous mangez plus de graisse, il y a une possibilité qu'effectivement vous ayez besoin de plus de ces transporteurs pour transporter cet excès de graisse. Mais si vous mangez aussi beaucoup de sucre et de glucides qui peuvent être transformés ensuite en graisse à l'intérieur de votre corps, ça peut aussi avoir un effet similaire. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui au cholestérol avec nos trois invités, Michel Delorgeril, docteur en médecine, chercheur au CNRS, Sylvain Duval, biologiste et spécialiste de nutrition, et Anne Georget, réalisatrice. Et nous allons commencer ce débat, vraiment le cœur du débat, par la rencontre avec un cardiologue. Et c'est Antoine Beauchamp qui l'a rencontré pour lui demander pourquoi la grande majorité des cardiologues en France continuent de prescrire des statines. Oui, il s'appelle Beauchamp. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il s'appelle Gérard Elft. Il est cardiologue à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière et il est vice-président de la Fédération française de cardiologie. Il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il lui semble, à lui, important de prescrire des statines aux personnes qui sont atteintes d'hypercholestérolémie. En fait, on distingue deux cas de figure très différents. On distingue le patient qui a déjà fait un problème cardiovasculaire et le patient qui consulte dans le cadre d'un bilan. Pour le premier, pour celui qui a déjà fait un problème cardiovasculaire, la réponse est assez simple. Ils méritent quasiment tous un traitement qui va diminuer le cholestérol. Parce que s'ils ont fait un accident cardiovasculaire, c'est presque toujours parce qu'il y a un excès de cholestérol dans le sang ou dans la paroi des artères. Alors du coup, quels traitements sont majoritairement prescrits pour traiter cette hypercholestérolémie? Alors actuellement, là encore, la réponse est assez simple. Il n'y a qu'un seul type de traitement qui a réellement démontré qu'il permettait à la fois de diminuer le cholestérol dans le sang, mais qui permettait également de diminuer les événements cardiovasculaires ultérieurs. Et ces médicaments sont des médicaments qui, malheureusement, ont mauvaise presse. Ce sont les fameuses statines. Alors elles ont mauvaise presse pour de mauvaises raisons. Elles ont mauvaise presse parce que depuis quelques années, il y a un débat qui s'est instauré dans les médias surtout et qui a donné une parole trop importante aux détracteurs des théories qui ont démontré que le cholestérol est néfaste et qu'il était utile de les prescrire pour diminuer les événements cardiovasculaires. En réalité, moi j'ai envie de dire, et quand je dis moi, c'est l'ensemble des cardiologues, la Fédération française de cardiologie, la Société française de cardiologie, et en réalité toutes les sociétés savantes dans le monde partagent ce point de vue. En réalité, il n'y a pas de débat. Il y a 99% des spécialistes qui sont convaincus que le cholestérol est néfaste et que les statines sont utiles. Et puis il y a 1%, souvent de non-spécialistes, qui plaident le contraire. Alors du coup, qu'est-ce qui convainc les cardiologues dont vous faites partie à prescrire ces statines ? Alors ce qui nous a convaincus, en fait, c'est depuis des décennies, hein, depuis 50 ans, il y a un ensemble de preuves qui, premièrement, ont montré que le cholestérol est néfaste, parce qu'il y a une relation presque linéaire entre le taux de cholestérol dans le sang et la survenue d'événements cardiovasculaires et en particulier d'infarctus. Donc il y a vraiment une corrélation entre ces deux événements. Et puis depuis 20 ans, on a démontré que diminuer le cholestérol par les statines permettait de diminuer les événements cardiovasculaires. Il y a peu de médicaments sur le marché qui ont autant été étudiés, qui ont démontré par une médecine fondée sur les preuves, sur des preuves scientifiques, qu'elles étaient utiles. Et pourtant, ces médicaments sont controversés. Michel de Lorgeril, donc voilà l'avis de Gérard F. Comment vous réagissez à cette position sur la grande solution aujourd'hui qui est utilisée par les cardiologues, c'est-à-dire la prescription de statines pour éviter les accidents cardiovasculaires? Oui, bon, ce qu'on vient d'entendre là, c'est le discours très conventionnel qui est plus ou moins dicté par les intérêts de l'industrie pharmaceutique. J'aime bien entendre que ce sont des non-spécialistes ou une minorité de gens qui sont opposés aux théories qui viennent d'être défendues. Et vous savez, c'est un peu comme le jeu des sept familles, les minorités, les majorités, soit la famille des experts, des vrais experts, dont fait pas partie ce cardiologue de la Pitié-Salpêtrière, pour moi, il n'est pas un expert de cette question-là, et donc dans la famille des vrais experts, dont je pense faire partie, et vraiment indépendants, nous sommes majoritaires. Il y a des visions différentes, forcément, mais on est 100% d'accord avec l'idée que, un, le cholestérol est innocent, et deux, ça sert à rien de le diminuer avec des médicaments. Maintenant, si vous prenez l'autre famille des experts autoproclamés, généralement rémunérés par l'industrie pharmaceutique, industrie qui rémunère aussi les sociétés savantes, hein, il faut bien voir ça, et qui sont liés par définition à l'industrie pharmaceutique, alors effectivement, je préfère ne pas faire partie de la famille. Alors on va revenir sur le fond. Anne Georget, vous avez enquêté, c'était le sujet, le fond de votre enquête était autour de ces intérêts industriels liés à des considérations médicales. Comment vous réagissez à cette prise de position de notre cardiologue? Je vous avoue que je suis très étonnée parce que il me semble quand même maintenant assez établi que sur la manière dont s'est construite cette idée que le cholestérol était un bon indicateur de santé cardiovasculaire, mon film vraiment reprend ça étude après étude, depuis les premières études d'Ansel Keys, puis les grandes études menées aux États-Unis, que ce soit Mr. Fit, LRC, etc. On a vu que la conclusion, c'était qu'il y avait une base scientifique quasi nul pour montrer l'importance du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. Donc je suis absolument sidérée d'entendre encore aujourd'hui quelqu'un qui dit que depuis 40 ans, voire plus, on sait que le cholestérol est fautif et que c'est ça qu'il faut regarder. Sylvain Duval. Alors moi, je ne suis absolument pas étonné puisque cette personne, Gérard Elf, avait déjà été interviewé dans l'émission Enquête de santé sur la 5 et que j'avais déjà fait un article qui reprenait un par un les mensonges qu'il avait émis et son discours était à la virgule près à peu près identique. Moi, j'ai fait une recherche sur la base transparence santé parce qu'en fait, la loi impose maintenant aux professionnels de santé de déclarer leur lien d'intérêt. Normalement, un média, en fait, devrait poser la question à un professionnel de santé qui va s'exprimer là à propos d'un produit de santé, c'est-à-dire les statines. Avez-vous des liens d'intérêt? Et cette personne en a de nombreux. Là, j'ai fait la recherche juste avant de venir à l'émission. Il a 144 avantages qui apparaissent sur cette base que tout le monde peut consulter. Elle est consultable par tout citoyen. Donc la loi de santé oblige ces gens-là à le déclarer et en général ce n'est pas fait ni par les médias ni par le professionnel lui-même. Et donc ça ne m'étonne pas puisqu'il a déjà fait le coup une première fois et il le recommence. Alors, Michel Delorgerie, on est au cœur de la question. C'est-à-dire, en gros, toutes les études qui sont faites depuis des décennies, semble-t-il, sont faussées par les liens d'intérêt, c'est-à-dire par le financement par des grands groupes pharmaceutiques de ces études très coûteuses, puisqu'elles mettent en jeu des dizaines, parfois de milliers de patients suivis pendant très longtemps. Donc, ça veut dire que toute la science actuelle autour du cholestérol et de son lien avec les maladies cardiovasculaires ne peut pas être crue. Ne peut pas être prise au sérieux. Alors, je dirais pas les choses comme ça. Comment les diriez-vous? Voilà, je dirais pas du tout les choses comme ça. Au contraire, les données scientifiques ont évolué au cours du temps, contrairement à ce que dit ce professeur. Et au fur et à mesure que des nouveaux médicaments sont apparus, en fait, ce qui avait été démontré auparavant ne s'est plus avéré vrai. Je vais vous donner un exemple très simple. Les médicaments que l'on donne à l'heure actuelle, les statines, donc que l'on donne après un infarctus, donc dans la prévention dite secondaire, hein, on veut empêcher un deuxième infarctus. Les deux principaux médicaments anticholestérol prescrits dans le monde sont le Crestor ou rosuvastatine ou bien l'atorvastatine ou Taor. C'est systématique. Or, pour pouvoir prescrire ce genre de médicaments à la sortie de l'hôpital, puisqu'il s'agit des gens qui ont fait un infarctus, il faut respecter ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Est-ce que ces deux médicaments, le Crestor et le Taor, ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la prévention secondaire? Eh bien, j'invite vos auditeurs à les vérifier sur les sites internet. Non. Ces deux médicaments, les plus prescrits par le monde cardiologique à l'heure actuelle en prévention secondaire, n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché pour la prévention secondaire. Vous voyez, ils l'ont pourquoi alors? Ils l'ont pour la primaire, c'est-à-dire avant un accident? Non, ils ont une autorisation de mise sur le marché pour les dyslipidémies. Ça n'a pas beaucoup de sens, c'est très vague. On peut faire un peu n'importe quoi avec ça. Mais par contre, il y a d'autres médicaments qui ont une AMM pour la prévention secondaire. Ces deux-là ne l'ont pas. Alors si vous demandez à ces cardiologues, mais mon cher ami, pourquoi prescrivez-vous ces médicaments alors qu'ils n'ont pas l'AMM, ils vont vous répondre quoi? On pourrait lui demander, mais je connais leur réponse. Leur réponse, c'est parce que ce sont les meilleurs, parce que ce sont les plus puissants. Non pas les plus puissants pour diminuer le risque d'infarctus, les plus puissants pour diminuer le cholestérol. Et c'est vrai, ils ont raison. Ces deux statines sont les plus puissants médicaments avant la dernière classe de médicaments dont on va parler absolument. C'est les plus puissants. C'est les plus puissants pour diminuer le cholestérol, mais les fonctionnaires qui délivrent les autorisations, les AMM, n'ont jamais trouvé la moindre évidence qu'il soit utile dans la prévention des accidents cardiovasculaires. Anne Georgie. Oui, je crois aussi que c'est très important de réaliser qu'on peut lire une étude de plusieurs manières. Je vous donne un exemple. En 2008, une équipe de UCLA aux États-Unis a fait une étude qui portait sur 541 hôpitaux, 137 000 patients qui avaient été admis pour un infarctus. Eh bien, ils ont regardé leur taux de cholestérol. 75% de ces gens qui venaient de faire un infarctus avaient un taux de cholestérol considéré comme normal, voire inférieur à ce qui est normal aujourd'hui, ce qui est déjà très bas. Et 50%, ça c'était pour le LDL, et 50%, donc soi-disant le mauvais cholestérol, et 50% du bon cholestérol était OK. Il y a deux manières de regarder ça. Soit vous pensez que si trois quarts des personnes qui arrivent avec un infarctus à l'hôpital ont un taux de cholestérol normal, vous dites l'indicateur n'est pas le bon. Ou alors, vous vous dites, la norme est encore trop haute. Évidemment, cette équipe qui est sponsorisée par Merck et par l'American Heart Association a conclu que ça voulait dire que le taux considéré comme normal était encore trop haut. Mais c'est un peu délirant quand même quand vous avez 75% des gens qui arrivent et qui, avec un infarctus et qui ont fait un taux normal. Ça veut tout simplement dire que ça n'est pas un bon indicateur. Alors c'est d'autant plus surprenant qu'il y a une autre étude qui elle est parue très récemment, le 24 avril 2017, et qui émane de l'European Society of Cardiology et qui elle établit un lien qui n'est plus simplement un lien de corrélation entre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, mais un lien de causalité qu'ils considèrent comme établi par la revue des études qu'ils ont pratiquées pour arriver à cette publication. Donc là, on est en pleine contradiction, Michel Delorgeril. Non, je connais très bien cette étude. C'est une méta-analyse, donc, comme on dit. Donc, je ne sais pas si vos auditeurs comprennent ce que c'est. Ça veut dire une méta-analyse, ce n'est pas simplement prendre une étude, mais c'est faire la somme de plusieurs études. Alors, dans cette méta-analyse, ils ont en fait pris... Là, il y en a 200 à peu près. Oui, mais là, dans cette... Oui, mais là, dans cette... Oui, mais on fait... On est supposé faire un certain tri pour prendre les bonnes et puis rejeter celles qui sont biaisées. Donc, en général, on prend les études qui ont été menées en double aveugle, randomisée, etc. Dans l'étude que vous citez, ils en ont retenu 12. Nous avons refait, nous, l'analyse, on en a retenu 30. Avec eux... Bien que ce soit une analyse et des associations, ils disent causalité, ce qui témoigne d'un manque de professionnalisme. Ce n'est pas des scientifiques qui font ça. On ne peut jamais établir une causalité sur ce genre d'études. Eh ben nous, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation. Il y a 26 auteurs émanant d'universités d'une dizaine de pays. Donc, oui. Est-ce que vous avez regardé la liste des conflits d'intérêts des 26 auteurs? La liste des conflits d'intérêts est très, très importante. Voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà. Ça veut dire, non mais je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure, ça veut dire que toutes ces études faites par des dizaines de chercheurs n'ont aucune valeur aujourd'hui à cause de leurs liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est votre thèse? Non, non, pas du tout. Non. Ah, mais c'est ce que vous me dites à chaque fois qu'on parle d'une étude, vous me dites oui, mais il y a des liens financiers. Non, donc, tout dépend comment a été fait l'étude. Exactement. Votre émission, c'est de la méthodologie. Donc, si ces gens-là prennent 12 études, alors que nous, on en a retenu 24, vous voyez bien que s'ils en ont pris que 12, c'est parce qu'ils avaient une idée a priori qu'ils voulaient démontrer. Est-ce que si vous êtes beaucoup plus objectif et que vous ne faites pas un tri a priori, alors vous ne voyez pas de relation, et surtout pas une causalité. Alors donc, vous niez, vous rejetez cette conclusion de leur étude qui est... Mais je ne suis pas le seul. C'est une étude, c'est presque honteux de publier des choses comme ça. Et on voit bien que les auteurs ont été sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'il n'y a pas un seul auteur qui n'ait pas des liens. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du Mediator. Non, on est d'accord, mais si je prends mais je, une autre... Laissez-moi, je vais vous expliquer allez-y. L'affaire du Mediator, parce que c'était exemplaire. On va peut-être pas refaire l'émission sur le Mediator. Non, on va pas la refaire, mais le Mediator, plus personne ne conteste la toxicité du médicament. Or, pendant 35 ans, ça a été commercialisé sans que personne ne dise rien, sans qu'aucun cardiologue ne donne l'alerte. Il a fallu qu'une pneumologue à Brest aille donner l'alerte. Donc vous voyez que ce monde de la cardiologie universitaire, ce monde des académies, il ne faut pas trop y croire, il faut faire très attention. C'est toute la question, c'est qui croire. Parce que si on regarde l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui n'est pas spécialisée dans la cardiologie, elle arrive aux mêmes conclusions. Un tiers des maladies cardiaque serait lié à un haut taux de cholestérol. L'OMS estime à 2,6 millions de morts le nombre de décès liés à cette situation. Et l'OMS toujours note qu'une réduction de 10% du cholestérol dans les hommes âgés de plus de 40 ans induisent une réduction de 50% des maladies cardiaques sous 5 ans. Alors ça, là aussi, bien sûr, quel est votre avis ? Les experts de l'OMS, ce sont les experts des sociétés savantes. On ne va pas les inventer, les experts. Donc il faut se référer systématiquement à de vrais experts, vraiment indépendants. Je pense que c'est absolument essentiel aujourd'hui, et c'est valable dans tous les domaines. Le problème, c'est que les prescriptions sont liées à des organisations, comme par exemple l'OMS, mais aussi la HAS, le Haut Conseil de la Santé en France, qui arrive aux mêmes conclusions que l'OMS. C'est la Heart American Association. Non, pas du tout, c'est la Haute Autorité de Santé. Excusez-moi, je pensais que vous parliez en anglais, mais c'est la même chose. Ce sont les experts de ces sociétés... on va dire de ces autorités sanitaires, sont aussi des gens rémunérés. Il faut uniquement prendre des gens indépendants de l'industrie pharmaceutique. Anne-Georges, un mot sur c'est un problème très grave. C'est très grave et c'est très compliqué parce que très vite, on a l'impression de tomber dans une atmosphère complotiste. Alors on va se dire que voilà, on voit le mal partout, etc. etc. Mais la manière dont est structurée la recherche scientifique et sa publication, c'est finalement quelque chose d'assez conservateur. C'est-à-dire que, non seulement au départ, au niveau du financement de la recherche, il faut bien voir que la recherche publique est de moins en moins financée, donc il faut bien aller trouver ailleurs de quoi compléter. Et le ailleurs, c'est les laboratoires pharmaceutiques, et donc forcément, ils veulent un retour sur investissement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va, pour validation de ces recherches, aller chercher des publications dans des journaux médicaux. Mais les gens qui vont lire, c'est un système qu'on appelle le peer review, donc on est lu par ses pairs. On va vous dire, pour aller chercher des gens compétents, on va prendre des gens qui ont déjà beaucoup de publications. Mais les gens qui ont beaucoup de publications sont ceux que l'industrie pharmaceutique va aussi chercher pour être ce qu'on appelle les key opinion leaders. Donc c'est finalement au bout du bout, on a une science assez conservatrice. Hein, et dans mon film, il y a un exemple, mais que je trouve assez frappant, je vais le reprendre. Il y a eu deux études qui ont été faites en même temps, qui étaient, alors c'est assez ancien, hein, ça date des années, de la fin des années 90, qui était l'étude LRC, qui a été une des premières études sur laquelle on s'est dit, oui, il faut absolument baisser le cholestérol avec un médicament, etc., etc. Puis une autre étude faite exactement en même temps, qui est une étude d'un Finlandais qui s'appelle Mietinen. Elles ont été toutes les deux publiées dans JAMA, qui est un journal très important aux États-Unis. Donc on peut pas dire qu'il y en a une qui a été publiée dans un obscur journal que personne ne lit et l'autre dans un très bon journal. Toutes les deux dans le même journal. Eh bien, par la suite, quand les chercheurs travaillaient sur le cholestérol et citent d'autres études de leurs collègues, eh bien, pour vous donner une idée, la première année LRC qui concluait qu'en effet, c'était une bonne idée de faire baisser le cholestérol pour limiter le risque cardiovasculaire, alors que l'autre avait une conclusion absolument opposée, eh bien, LRC a été cité 109 fois et puis l'étude de Mietinen 6 fois. 2 ans après, LRC 121 et Mietinen 5 fois. 3 ans plus tard, LRC 202 fois et Mietinen 3 fois. Et 4 ans plus tard, LRC 180 fois et Mietinen 1 fois. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on pousse toujours dans le même sens, même s'il existe des recherches qui disent différemment. Mais il y a un effet masse et un effet extrêmement conservateur. J'aurais juste un mot de Sylvain Duval avant de vous redonner la parole. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais aussi observé en tant que citoyen quand j'avais fait cette recherche par moi-même. Je suis tombé sur de nombreuses méta-analyses qui se contredisaient on pouvait presque dire que la conclusion de la méta-analyse était fonction du financement. Il y a même récemment un exemple encore plus troublant, c'est une méta-analyse Cochrane qui s'est contredite en 2 ans quand elle a changé ses sources et quand elle a finalement intégré dans ses recherches quelques-unes des études un peu plus sponsorisées. Et donc, elle a dit l'inverse. Mais des méta-analyses, moi, là, vous m'en citez une de 2017, mais je pourrais vous en citer 50. Et effectivement, comme l'a dit Anne Georget, c'était quelqu'un qui avait fait ce travail de la bibliographie, c'était Ramskov, je ne sais pas si je prononce bien, mais effectivement, les études qui sont contraires au dogme en place ne sont pas citées, n'apparaissent pas dans les travaux de recherche. Donc, j'en déduis, Michel Delorgeril, que l'industrie pharmaceutique est capable aujourd'hui d'influencer suffisamment les chercheurs via le financement des études pour modifier les résultats de ces travaux à leur profit, c'est-à-dire dans l'intérêt de leur vente de médicaments. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est des phénomènes transitoires. Ça fait un certain nombre de décennies que ça dure. Non. Sur les statines, ça fait 20 ans ou 25 ans. Non, sur les statines, les premières études importantes qui étaient favorables, qui donnaient des résultats favorables, c'est le milieu des années 90. Et puis en 2005, il y a la fameuse affaire du Vioxx, où là, tout le monde est pétrifié par ce qui s'est passé. C'est un scandale sanitaire énorme aux États-Unis. Pas à propos des statines, mais à propos des anti-inflammatoires, mais ce sont les mêmes industriels qui sont impliqués. Et à partir de ce moment-là, notamment aux États-Unis, la suspicion règne. C'est-à-dire, on les croit plus. Et toutes les études qui vont venir après, notamment celles dont je vous parlais tout à l'heure avec l'atorvastatine ou la rosuvastatine, vont être négatives. L'industrie pharmaceutique, vous savez, c'est du business. First. Donc, en face de l'industrie pharmaceutique, il y a des dizaines, des centaines de chercheurs qui travaillent, font des études et qui publient dans des journaux comme The Lancet. J'ai une autre étude sous la main qui émane de ce journal. Et donc, dont vous contestez totalement la validité des résultats. C'est bien ça, pour qu'on comprenne bien. Non, pas forcément. Il faut regarder de manière soigneuse comment l'étude a été faite. Ce n'est pas systématique. Je viens de vous le dire que les études sur l'atorvastatine, par exemple, même si elles étaient présentées de manière un peu, disons, bénéfique par les investigateurs parce que leur carrière en dépend, quand vous analysez les données, vous voyez bien que c'est négatif. Avec le Crestor, la rosuvastatine, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'AMM. C'est parce que les données scientifiques ne sont pas probantes. Même si le cardiologue de la Pitié-Salpêtrière vous dit « moi je suis content, c'est formidable », le fonctionnaire de la haute autorité, il lui a pas donné l'autorisation de mise sur le marché. Quand je dis que c'est des phénomènes transitoires, c'est très important à comprendre ça. C'est que l'industrie anticipe toujours beaucoup plus vite que les chercheurs. Quand vous dites qu'il y a des centaines de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, non. Il y a des centaines de chercheurs qui sont sponsorisés par l'industrie pour faire ce travail. Des chercheurs indépendants sur les statines, il n'y en a pas. Il y a des experts indépendants, comme la Cochrane par exemple, comme moi, où on reprend toutes les données, on les analyse. Je ne suis pas seul, hein, j'appartiens à des associations, etc., qui font ces analyses. Écoutez bien. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, mais c'est le cœur du problème. L'industrie pharmaceutique a anticipé la fin des statines, en ce sens que toutes les statines aujourd'hui sont génériquées et par conséquent, le chiffre d'affaires s'effondre. Ils ont anticipé ça depuis 20 ans, ils savaient qu'il y aurait une fin de miracle, si je puis dire, et ils ont préparé la suite. Ils ont préparé la suite sous forme de deux familles de molécules, c'est très important. Ces deux familles de molécules, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parmi les deux, il y a ce qu'on appelle les anti-CETP. C'est des nouvelles molécules quasi miraculeuse. Si vous croyez à la théorie du cholestérol, si vous croyez qu'il y a du bon et du mauvais, alors les anti-CETP, c'est le miracle, parce que c'est encore plus efficace que les statines pour diminuer les lipoprotéines considérées comme le mauvais cholestérol. C'est absurde ces termes. Enfin, reprenons les termes conventionnels, on va dire comme ça. Mais en plus, ces anti-CETP, ça augmente de manière extraordinaire le soi-disant bon cholestérol. Ça veut dire que, mais de 100%, 70, 100, 130%. Donc quand l'industrie a eu entre les mains ces molécules, ils se sont dit, ça c'est le jackpot. À la fois, on diminue de manière considérable le mauvais, et on augmente de manière formidable le bon. Ça peut pas échouer. Quatre industriels se sont investis massivement dans ces molécules. Ils ont recruté des dizaines de milliers de patients. Ils ont effectivement obtenu des diminutions drastiques du mauvais cholestérol, des augmentations miraculeuses du bon cholestérol. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est un fiasco total. Alors, voyez ce que vont dire les... Attendez, un fiasco sur quel plan? Sur le risque, plan cardiovasculaire, la réduction du risque cardiovasculaire. À la fin, c'est ça qu'on veut, c'est diminuer les infarctus, empêcher les accidents vasculaires cérébraux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ces études? Alors, vous avez certains, comme les sociétés savantes, etc., qui ont dit, oui, c'est pas bon, mais c'est quand même pas si mauvais, alors peut-être que... Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Les quatre industriels, Merck, Pfizer, Lilly et Roche, ils ont décidé de ne pas commercialiser. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas demandé l'AMM. Vous avez des experts en cardiologue, des pseudo-experts cardiologues ici et là, qui disent, si, ces médicaments sont très bons, mais l'industriel, lui, qui anticipe ses chiffres d'affaires, lui, il a déjà compris que c'était foutu et que ça valait même pas la peine de les commercialiser. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always find a bag around. Be in a bar, a picnic, even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, hold, drip, drip, drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Bang, bang, bang. Crunchy potato chips, crunch, crunchy, crunchy. A crunch, crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, Potato Chip de Slim Gaillard sur France Culture à 16h39, où nous parlons en direct aujourd'hui du cholestérol avec Michel Delorgeril, docteur en médecine, chercheur au CNRS, Sylvain Duval, biologiste et spécialiste de nutrition, et Anne Georget, réalisatrice de documentaires. Entre autres, l'une des grandes critiques des statines dont on vient de parler, c'est les effets secondaires qu'elles peuvent provoquer. Et nous retrouvons Gérard Elf, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière et vice-président de la Fédération française de cardiologie, interrogé par Antoine Beauchamp pour nous parler de ces effets indésirables. Comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. L'effet secondaire principal, ce sont des crampes, des douleurs musculaires qui surviennent chez quelques 5 à 10 % de patients. On a des stratagèmes, on diminue les posologies, on change de statine, mais effectivement, il faut le reconnaître, chez ces patients, il y a quelques difficultés. Dans un pourcentage vraiment infime, qui est largement inférieur à 1 % des cas, il peut y avoir des réactions plus graves, mais qui peuvent être anticipées et qui en réalité ne devraient pas arriver. Pour ce mini pourcent de personnes qui ont des réactions plus graves, de quelle nature sont ces réactions ? Ce peut être des insuffisances rénales qui le plus souvent surviennent sur des sujets prédisposés qui ont déjà une insuffisance rénale. Ce peut être également de rares problèmes hépatiques qui peuvent être dépistés par le dosage des enzymes hépatiques. Mais encore une fois, chez plus de 95% des patients, on peut estimer qu'une prescription appropriée, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas toujours eu des prescriptions appropriées, notamment en France, mais une prescription appropriée n'entraîne pas d'effets secondaires, et en tout cas pas d'effets secondaires irréversibles. Sur quelles études scientifiques récentes on peut se baser pour légitimer encore l'usage des statines? Et puis éventuellement, quelles sont les pistes de recherche aujourd'hui pour trouver d'autres traitements du cholestérol? Les études sont extrêmement nombreuses. Elles ont démarré il y a une vingtaine d'années. Il y a maintenant des méta-analyses, donc des analyses de plusieurs études sur des centaines de milliers de patients qui corroborent les faits. Je crois qu'il n'y a plus de discussion, à moins de nier l'évidence, selon moi. Néanmoins, les statines, premièrement, ne permettent pas de diminuer le cholestérol aussi bas qu'on le souhaiterait. Et deuxièmement, ont, comme on l'a dit, quelques effets indésirables. Et effectivement, il y a des nouvelles pistes de médicaments qui sont en train d'apparaître, qui ne sont pas encore sur le marché en France, qui le sont dans d'autres pays, qui d'une part diminuent le mauvais cholestérol de façon encore plus importante que les statines, et qui d'autre part n'ont pas l'inconvénient d'avoir des effets secondaires sur les muscles. Le point difficile, c'est que ces médicaments vont coûter beaucoup plus cher que les statines, mais là c'est un autre débat. Donc voilà l'avis de Gérard Elf, de cardiologue à la Pitié-Salpêtrière. Une réaction de Michel Delorgeril? Oui, c'est accablant. Hein. Je veux dire, il connaît pas ses dossiers, il connaît pas la littérature scientifique sur les effets adverses des médicaments anti-cholestérol. C'est terrible. Je vais vous le dire. Je sais pas où il voit ses patients. Alors, les effets secondaires des médicaments, comme vous le savez, il faut des techniques particulières pour les mettre en évidence. Autant les effets bienfaiteurs d'un médicament nécessitent des essais cliniques, double aveugle, randomisé, etc. Mais pour chercher des effets adverses, vous n'avez pas le droit, sur le plan éthique, évidemment, de recruter des gens pour vérifier si le médicament leur donne le diabète, est neurotoxique, etc. Évidemment, aucun comité d'éthique. Donc, pour identifier les effets adverses des médicaments, c'est la même chose pour les vaccins. Hein. Les essais cliniques ne permettent, ils sont trop courts en plus, pour vraiment identifier les... Donc, c'est les études d'épidémiologie qui permettent d'observer, d'identifier ces effets secondaires. Vous avez aussi une autre technique qui s'appelle la pharmacovigilance, mais là c'est le fiasco total, comme on l'a vu par exemple avec le Mediator, comme on l'a vu avec toutes sortes d'histoires sanitaires tellement tristes pour les victimes. Alors concernant les statines, comme je vous ai dit au début, c'est un poison du métabolisme endogène du cholestérol, et c'est notamment un poison du poumon de la cellule, de la mitochondrie. Et la mitochondrie, si vous l'empoisonnez, eh bien, elle va se venger, si je puis dire. Et c'est comme ça que l'on a des effets musculaires. Ces effets musculaires, ils sont de différents types. Notre cardiologue, qui ne doit pas avoir beaucoup de patients, à mon avis, dit que ça donne quelques crampes. Non, quand vous avez une consultation un peu large, surtout quand vous écoutez les patients, alors c'est extrêmement fréquent. Il y a des études européennes de la Société européenne de cardiologie qui ont que ça représentait presque 30% des patients. Et quand on a fait des études à l'aveugle, c'est-à-dire d'arrêter le médicament, puis de le réintroduire placebo à l'aveugle, placebo, alors c'était presque toujours reproduit. Donc les effets musculaires, c'est pas simplement des crampes, c'est aussi de la faiblesse musculaire. Et c'est donc des médicaments qui entraînent de la sédentarisation. Une des premières techniques que nous utilisons pour la prévention des maladies cardiovasculaires, outre la nutrition, c'est d'encourager les patients à faire de l'exercice. Là, en leur donnant des statines, vous leur coupez les jambes, si je puis dire. Même des experts en statines, et des experts très positifs, ont dit qu'un homme de 30 ans, à qui vous donnez, qui a l'habitude de faire un peu de sport, de jogging, à dose faible de statines, vous le privez de 50% de ses activités physiques, de sa capacité. Voyez. Alors, d'un côté, vous voulez les encourager à faire de l'exercice, et de l'autre côté, vous intoxiquez leurs muscles. Mais la mitochondrie, c'est pas simplement le poumon, c'est-à-dire le métabolisme de l'oxygène. C'est aussi l'organite dans la cellule qui contrôle la prolifération des cellules. C'est l'organite qui est responsable de ce qu'on appelle le suicide cellulaire. Le suicide cellulaire, il intervient lorsque il y a une anomalie de la cellule, par exemple, quand la cellule a une mutation de son ADN et qu'elle se dirige vers le cancer. Donc, c'est la mitochondrie qui se suicide au cas de mutation cancérigène. Alors, évidemment, on a étudié ça et on a exploré la piste cancer sous l'effet des statines. Vous voyez bien que c'est très difficile à explorer. Les études épidémiologiques montre que si vous attendez suffisamment de temps, alors vous avez plus de cancer chez les gens qui prennent des statines. La mitochondrie, c'est aussi l'organite cellulaire qui empêche la survenue du diabète. L'activité physique, l'activité musculaire, c'est très important pour la prévention du diabète. Je suis vraiment très étonné que notre cardiologue de la Pitié-Salpêtrière ne cite pas le diabète, parce que c'est maintenant reconnu par toutes les sociétés internationales et que les statines augmentent le risque de développer le diabète. Le diabète, c'est à part l'amiante et le tabac, etc., c'est le premier facteur de risque de cancer, de maladie d'Alzheimer, et de maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, les statines augmentent la calcification des artères, c'est tout à fait bien démontré. Alors, sur la mitochondrie, je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là. Si vous empoisonnez la mitochondrie, vous favorisez immédiatement la survenue des diabètes, du diabète de type 2 notamment. Et alors, j'arrête là parce que je veux pas évidemment monopoliser. Mais la plus belle étude a été faite dans l'armée américaine. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans l'armée américaine, des gens en bonne santé, pourquoi les médecins américains donnent à des soldats en activité des statines? Parce qu'ils ont un cholestérol élevé, ils pensent les protéger. Eh bien, des études ont été faites et qui ont montré que le risque de diabète augmente de 100%. Parmi les militaires américains sous l'effet des statines. Alors, diabète donne cancer. Est-ce qu'il y a plus de cancer chez les gens qui prennent des statines? Oui, c'est parfaitement montré, et à la fois par l'épidémiologie et par des essais cliniques. Je ne veux pas dramatiser, je ne veux pas rendre les choses tragiques. Je ne vois pas très bien comment vous pourriez dramatiser plus que ça. C'est-à-dire que vous nous expliquez qu'un médicament qui est censé soigner cette maladie, considérée comme une maladie quand même très importante, les maladies cardiovasculaires, provoque quand même le cancer, une faiblesse musculaire, le diabète et la maladie d'Alzheimer. Donc je vois pas trop. C'est neurotoxique, ce que vous effectivement. C'est très neurotoxique. Voilà. Alors l'autre camp que je suis obligé de représenter, et c'est ce qui me met assez mal à l'aise dans cette émission, pour une raison assez simple, c'est que vous avez refusé que nous invitions des représentants aussi bien de la Fédération que de la Société Française de Cardiologie. Et c'est pour cela d'ailleurs que Antoine Beauchamp est allé interviewer l'un d'entre eux. Donc vous mettez dans une situation de ce fait délicate, on a voulu vous donner la parole, et en même temps on ne peut pas confronter les points de vue, ce qui est en général ce que nous faisons. Donc, d'abord, je n'ai pas refusé. Je vous ai dit que si vous invitiez quelqu'un, vous ne veniez pas. Donc, Je décline l'invitation, voilà. Parce que ça aurait été de la confusion. Ça aurait été lundi blanc, l'autre noir. Là, on a très bien entendu ce qu'il avait dit. Les effets secondaires pour lui s'arrêtent à des crampes musculaires. Non, vous rendez bien compte que c'est quand même une situation un petit peu déséquilibrée. Anne Georget. Moi, j'aimerais bien qu'on qu'on arrête avec les effets secondaires des statines, qui sont, je crois, assez bien établis aujourd'hui, et en effet bien au-delà des crampes musculaires. Mais je ne suis pas médecin, hein. Je me suis contentée de recueillir la parole. Une étude de l'ANSED de 2016, si vous voulez, dit exactement le aboutit aux conclusions inverses de celles de M. Delorgerie, en minimisant énormément toutes les conséquences négatives des statines. Donc c'est pour ça que quand on est face à de telles différences d'interprétation, il est très difficile de se faire une opinion, et je pense que ça sera d'ailleurs la difficulté pour nos auditeurs face à ce problème. Excusez-moi, mais vraiment, l'étude auquel vous faites référence, c'est l'étude de Rory Collins d'Oxford. C'est vraiment un monsieur qui aujourd'hui est considéré comme le pire menteur de la littérature médicale et scientifique. Il n'est pas seul, il y a 28 auteurs d'une dizaine de pays également. Les 28 auteurs sont ses amis, bien entendu. Vous savez, après ce que je viens de vous dire sur les anti-CETP et le fait que l'industrie pharmaceutique est en train de déserter le territoire des lipides, vous imaginez bien que tous ces gens qui, pendant 10, 15 ou 20 ans, ont défendu l'idée qu'il fallait absolument diminuer le cholestérol avec des médicaments, ils ne vont pas eux-mêmes abandonner le terrain immédiatement. Référez-vous à pour eux, c'est leur carrière, leur réputation. Si c'était un médicament qui n'a pas d'efficacité sur la cible qu'il est censé viser, qui sont les maladies cardiovasculaires, ce serait déjà assez gênant de dépenser autant d'argent. Je rappelle que le marché mondial des statines est passé de 23,7 milliards de dollars en 2004 pour atteindre à peu près aujourd'hui de l'ordre de 10 milliards par le fait des génériques qui sont tombés aujourd'hui. Il est prévu 12,2 milliards en 2018. Donc, c'est quand même un marché considérable. Et il avait comme seul effet les effets négatifs de la gravité de ceux dont vous parlez, on serait quand même face à un énorme problème de santé publique. Je vous le fais pas dire. Nous sommes face à un énorme problème de santé publique, et si vous voulez, sans affoler la population... Je ne vois pas comment on peut l'affoler plus, en fait. Vous savez, ça fait 15 ans que je le dis, et je ne peux pas dire qu'il y a eu beaucoup d'écho aux alertes que j'ai données. Bien sûr, je ne suis pas seul, il y a des Delorgerie absolument partout dans le monde, mais si vous voulez, le rapport de force entre le masque de fer, vous savez, et puis le petit pot de terre est tel que... écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités, parce qu'on a au moins une fois... France Culture, même, a beaucoup parlé du cholestérol et des maladies cardiovasculaires et des statines, mais jamais en invitant la controverse. Anne Georget. Moi, je crois que ce qui m'a beaucoup frappé dans ce travail que j'ai fait autour du cholestérol, c'est d'abord, Michel Delorgerie parlait de cholestérol endogène, mais c'est très important de se figurer que le cholestérol, dont tout le monde s'imagine que c'est du poison, à 70%, on va dire, c'est nous qui le fabriquons. Donc si la nature se donne autant de mal pour fabriquer en un nombre, au moins une trentaine d'étapes, une substance qui est essentielle à la vie, on ne peut pas réduire ça à « il faut que ce soit le plus bas possible ». Ensuite, les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies compliquées qu'on ne peut pas réduire à un seul facteur. Quelle que soit la maladie, moi je suis frappée, mais c'est du bon sens de non-spécialiste, on ne peut pas prendre la physiologie humaine, qui est une merveille de complexité, et dire on prend une substance, on la met le plus bas possible et tout va s'arranger. C'est un non-sens scientifique. Et vraiment, toute cette enquête depuis les années 50, à chaque fois qu'on a testé les choses avec un objectif qui était de faire baisser le cholestérol, on n'est pas réussi. Les maladies cardiovasculaires sont multifactorielles. Alors, malgré tout, la Société française de cardiologie, elle avance des chiffres. L'amélioration incontestable du pronostic cardiovasculaire dans notre pays, la France, avec par exemple une chute spectaculaire de 68% en 15 ans de la mortalité hospitalière après infarctus du myocarde, une baisse de 56% en 28 ans de la mortalité cardiovasculaire. Donc ces chiffres, pour vous, sont faux. Non, bien sûr que non, mais pourquoi vous dites ça? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Je sais bien, c'est compliqué, mais si vous avez une diminution de la mortalité cardiovasculaire, heureusement, on ne peut qu'en s'arranger, pourquoi vous l'attribuez à la prise de statine? Il y a tellement de facteurs qui ont changé. C'est quand même là le médicament qui est utilisé massivement. Non, pas du tout. Mais non, pour lutter contre. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Heureusement, il y a d'autres médecins. Il y a des médecins, vous savez, en France, formidables. Les médecins urgentistes, les cardiologues urgentistes, les gens qui prennent les infarctus en phase aiguë, qui débouchent la coronaire à une angioplastie en urgence, ce sont des gens formidables. Les SAMU sont des trucs formidables. On transporte dans une ville comme Grenoble, si vous commencez un infarctus, en une heure, vous êtes aux soins intensifs. En une heure et quart, vous avez un cathéter planté dans l'artère et on vous débouche la coronaire. Et par la suite, comme on a, par ailleurs, mieux compris quel était le mécanisme de l'infarctus du myocarde, on a compris que c'était un caillot, on a compris qu'il y avait une thrombose. Alors on utilise des médicaments antithrombotiques, on utilise maintenant des défibrillateurs, c'est des miracles de technologie ce que l'on utilise. C'est ça qui explique la chute de la mortalité cardiovasculaire. C'est certainement pas d'avoir donné des statines. Alors est-ce que il y a aussi d'autres solutions, Sylvain Duval, pour éviter les accidents cardiovasculaires, autre que par d'autres méthodes que les médicaments, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de personnes essaient de trouver des solutions alternatives. On a parlé de l'exercice physique comme étant un élément important. Est-ce qu'il y a des éléments aussi en matière d'alimentation ? Alors, il n'y a pas que l'alimentation, mais je vais en parler. Le premier facteur, c'est arrêter de fumer. Le tabagisme a diminué. Il y a eu la loi Evin. On voit bien que sur les plateaux de télé, maintenant, les gens ne fument plus. Dans la société française, le tabac a quand même diminué. C'est un facteur très important. On a parlé de l'activité physique, s'exposer au soleil aussi, puisque quand on marche, finalement, on s'expose aussi au soleil. Pour la partie alimentation, une fois de plus, en fait, vous auriez pu aussi vous tourner vers Michel Delorgerie, qui est expert en nutrition, parce qu'il a francisé le concept de régime crétois ou du paradoxe des Français. Donc, manger des légumes, des fruits frais, de l'huile d'olive et du colza, qui apportent des oméga 3, des noix, par exemple, riches aussi en oméga 3, des sardines, du saumon, maquereau, des poissons riches en oméga 3. On peut aussi consommer des boissons antioxydantes comme café, thé. Je sais que récemment, il y a eu encore un nouveau le point mis sur le risque de l'alcool. Mais je sais que dans les études épidémiologiques de la région méditerranéenne, il y avait de l'alcool qui était consommé en petite quantité et au moment des repas. Des exercices anti-stress aussi peuvent aussi contribuer à cette protection contre la maladie cardiovasculaire, de la sophrologie ou de la méditation, ou même être en accord avec soi-même, ce qui est de plus en plus dur dans notre société. Et puis le sommeil aussi, le sommeil est quelque chose qui protège le cœur et qui protège la santé en général. Peut-être que le docteur va en rajouter d'autres. Alors juste un mot de conclusion, on arrive près de la fin. La prévention des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont des maladies du mode de vie. Alors comme l'a dit très bien mon jeune collègue, l'alimentation est absolument centrale. Alors nous on a démontré, alors là personne ne l'a jamais contesté, puis il n'y avait pas de conflit d'intérêt, on a démontré que la diète méditerranéenne, l'adoption de la diète méditerranéenne, ça c'était efficace, ça réduisait la mortalité cardiovasculaire. En deux mots, vous la définissez comment, la diète méditerranéenne ? Ça a été assez bien décrit, mais c'est pas le régime crétois, c'est la diète méditerranéenne. Là j'encourage, alors excusez-moi, je vais faire de la publicité pour mon éditeur, mais on a publié des livres, je renvoie vos auditeurs à notre livre, par exemple, Prévenir l'infarctus et l'accident vasculaire cérébrale, aux éditions de Thierry Soucard. On a publié des livres sur la diète méditerranéenne, sur le régime méditerranéen. Il n'y a pas simplement le tabac parmi les toxiques. Hein. Je pense qu'il faut manger bio. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut éviter les particules de gasoil. C'est sur ces conseils. Merci beaucoup à nos invités, Michel Delorgeril, Sylvain Duval et Anne Georget, d'avoir participé à cette émission. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Louzen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Leu à la technique, Elisabeth Gornet au droit d'auteur. Rendez-vous demain dans La Méthode Scientifique où nous parlerons de matière noire.